Aujourd'hui, les démocratiens allemands ont prohibé les passages du programme de son programme dans les CDU. Et alors, l'islamiste archivien, il était peut-être depuis c'est ça n'est pas beaucoup heureux contre les passages se trouvent mal baisse les passages n'ont pas d'accueil pour les islamistes, les musulmans, les islamistes ne sont pas heureux dans cette atmosphère et ils proclament que ce n'est pas très très intéressant pour être changé et s'échanger les passages. Mais les CDU ne veulent pas changer. D'un coup, peut-être aucun passage n'est non plus. Et elles ne veulent pas changer, ils veulent rendre les passages comme ça et la secondaire passage. N'est pas bon d'arranger et les rangements, c'est ça un plus l'offensif et ce n'est d'accueil pour les intérêts de la l'islamiste comme ça en plus vivant en Allemagne. Ils veulent rendre et rester hier en plus et n'est pas beaucoup s'arranger des problèmes avec l'allemand et cette passage c'est tout à coup malheureusement à faire.